après-midi. Moi t'es sans distraction, moi t'es senti comme sans position. Moi gagne un bon ami qui remarque sans consolation. Lui fait une proposition, on a l'assisté répétition. Lui fait une proposition, on a l'assisté répétition. Mariani, ensemble c'est l'ex qui t'a répété. Malgré m'tes sous les nerfs, comme rive m'senti m'soulagé. Après un bon moment passé, viens au vent qui t'a éventé. Quand si la t'es vine annoncée, viens au la pluie qui prend les tombées. Quand si la t'es vine annoncée, viens au la pluie qui prend les tombées. Les